Le petit berger. J'aime la campagne. Je suis bien sûr que vous l'aimez aussi. C'est un grand jardin sans murailles, sans rideaux, sans jalousies. Rien n'y cache le lever du soleil. Il se couche devant vous, et l'on sent jusqu'au dernier de ses rayons qui nous dit à tous « À revoir !» La nuit aussi est animée de bruits qui réjouissent l'âme à demi endormie. C'est un grillon caché dans le four. L'enfant rit quand il l'écoute. Car sa mère, qui sait tout, dit qu'il porte bonheur au village. C'est pourtant des amis qui se bougent, qui respirent alentour de vous. Le coq chante trois fois et sonne l'heure. C'est l'horloge vivante de la nuit. Il est gai de sentir palpiter la nature, même quand elle est noire, d'entendre frémir les poules, de comprendre tous les cris voilés des poussins, qu'elles tiennent renfermées sous leurs ailes et qui ont chaud. Il est gai de voir durant le jour des fleurs, plus belle dans un sentier désert que les fleurs peintes aux riches tapisseries du roi et de la reine. Le soir, quand on ne les voit plus sous la lune trop pâle, sous le ciel trop sombre, quel bonheur de les respirer, de humer leur haleine, qui coule au cœur, qui fait du bien, qui sent bon, qui murmure dans l'air, bois la vie, et qui nous attire à genoux, les mains jointes, levées pour dire « Mon Dieu !» Un petit berger, bien sûr, qu'il n'eut que 6 ans, savait lire tout cela dans le chant de son père. Il est vrai que c'est un beau livre qu'un chant. Ce petit bonhomme aux pieds nus, au chapeau de paille, aux cheveux couleur de paille, avec 2 petites lumières noires qui lui faisaient des yeux, les yeux les plus perçants de son village, avait composé de tout son petit cerveau comme une chambre noire qui l'emportait partout, où il amassait en silence des couleurs, des formes, de la peinture vivante pour tout son avenir. Quand on le voyait au bord d'un chemin, droit et immobile comme l'arbre où il cherchait de l'ombre, tandis que 5 à 6 moutons, la tête en bas, épluchaient le sol de toutes ses plantes embaumées, et que sa tête à lui, comme celle qui frémit au moindre soupir du vent, tournait mobile et curieuse, avec tous ses cheveux épars, on s'arrêtait. On disait « Qu'est-ce que tu regardes donc là, Hilaire ?»« Ah mais !» répondit l'enfant, à qui les mots manquaient. « Ah mais !» Les vieux pâtres passaient et se mettaient à sourire. Ils n'avaient jamais vu un petit berger si peu causeur. Non pas rentré au village pourtant, on eût dit qu'alors il fermait sa boîte à couleurs, de concert avec le soleil, qui le soir emporte les siennes. Le petit Hilaire dansait, courait autour de l'église, jouait à tous les jeux bruyants des garçons, qui ont besoin pour grandir de pousser leur voix, de gambader, de s'étendre en tous sens. Hilaire était alors le plus fameux. Il attelait les autres après lui, si on peut dire cela. Tantôt sur une charrette, tantôt sur un cheval, escaladant un bœuf, ou le remplaçant à une charrue renversée, qu'il redressait tout seul. C'était un lutin de mouvement, d'énergie, de gaieté, un gamin de village qui eût fait rire des pierres et qui trouvait une galette dans toutes les chaumières. On l'y attirait pour lui faire peindre des postures. Les villageois appelaient ainsi tous les portraits de vaches, de chevaux et de chiens qu'Hilaire charbonnait sur les murailles. Il y avait de ces tableaux tout autour de l'église. C'était son album ouvert, parce que les murs étaient lisses et luisants. Il y déroulait tout le portefeuille relié dans sa tête. Il placardait ses pensées dans l'ombre, en jouant, toujours armé d'un charbon, ou d'un morceau de craie qu'il cachait dans sa chemise. Le soir, il cessait de jouer à cloche-pied sous l'humble parvis, ou bien, en attendant son tour, pour respirer, il allait en courant tracer une figure, un arbre sans y voir. Il fit monsieur le curé ressemblant, frappé de l'avoir vu un jour porter le bon Dieu à un malade. On reconnut monsieur le curé. Monsieur le curé se reconnut, et il passa doucement la main sous le menton du petit villageois surpris, qui sentit pour la première fois qu'il ne serait pas toujours berger. Car dans le regard de ce bon curé de campagne, il y avait une promesse, elle fut réalisée. « Et puis, que fais-tu là par terre ?» demanda-t-il quelques jours après à Hilaire, étendu à plat ventre auprès d'un tas d'argile. En même temps, il se baissa pour voir, car il était vieux et ses yeux aussi. « Tout ça, et puis tout ça, » répondit l'enfant, « il y en aura un pour vous. Jamais vous n'avez vu de plus charmants moutons, presque bêlants. » Ni des petits cochons plus prêts à grogner. C'était joli, c'était vrai de forme, pétri et modelé avec une sagacité naïve, qui fit rêver encore une fois monsieur le curé, disant en lui-même « Il faut pousser ce petit gardeur de cochon ». Et il le poussa, l'introduisit dans un livre, et l'habitua aux souliers. Alors il le mena droit avec lui au château, où il allait dire la messe, quand le maître était malade. Hilaire restait des heures entières devant les tableaux d'une galerie peuplée de peintures, où le malade se plaisait à le voir si absorbé, qu'il l'oubliait d'avoir faim. « Quel est ton sentiment là-dessus ? » lui demandait le curé, quand il était temps de partir. « J'en ferai des pareils, » répondit-il sans orgueil, parce qu'il voyait ses tableaux à lui prendre dans l'avenir. Alors, il retournait joyeux à son argile et à ses moutons. Il dit pourtant un jour adieu à ces belles scènes changeantes, mais adieu comme le soleil qui dit « Je reviendrai ». Il revint 12 ans après, tout rayonnant d'instruction, d'expérience, de lumière et de gloire. Tout le village en tressaillant d'aise courut au-devant d'Hilaire le petit berger, avec de gros bouquets et des couronnes. Il mangea de la galette délicieuse dans beaucoup de chaumières, où il pleura de retrouver ses postures soigneusement gardées sur les murailles. Tout le monde n'est pas peintre au village, mais presque tout le monde y est bon. L'on s'y rassemblait souvent autour de monsieur le curé pour l'entendre lire, dans l'écriture d'Hilaire, tout ce qu'il écrivait de si amical qu'on s'essuyait les yeux, parce qu'il ne finissait pas une de ses lettres sans dire « J'embrasse mon village et je tâcherai de lui faire honneur ». Alors monsieur le curé embrassait tout le monde. On pouvait bien dire qu'après Dieu, il avait fait un peintre célèbre d'un berger, en lui donnant des protecteurs et des conseils éclairés. Aussi monsieur le curé montre-t-il une chambre toute pleine de couronnes d'Hilaire. Le berger peintre les lui a toutes données avec son portrait aux pieds nus, recevant du saint homme son premier livre et ses premiers souliers.